Thank you. Thank you. Laissez les bijoux, no sleep, laissez les bijoux.

le jour, laissez-moi voir le jour, laissez-moi liberté. Je ne veux plus respirer, je ne peux plus emmener. Je suis en train de m'étouffer. Oh, laissez les bijoux. Out of the bed, out of me. Laissez les bijoux en liberté. Laissez les bijoux. Laissez les bijoux. Laissez les bijoux en liberté. Laissez les bijoux. laissez les bijoux, laissez les bijoux en liberté. Laissez les bijoux, laissez les bijoux, laissez les bijoux en liberté. Ils ont mis ça dans un sac blanc. Ça sentait mauvais à la fin de la journée. Ils ont laissé ça pourri à l'intérieur. Sortez les bijoux. Ils ont mis ça dans un sac blanc. Les taches noires étaient présentées. La fin de la journée, ça sentait mauvais. Oh, laissez les bijoux respirer. Laissez les bijoux. Oh, laissez les bijoux. Laissez les bijoux en liberté. Laissez les bijoux, laissez les bijoux, laissez les bijoux en liberté. Laissez les bijoux, laissez les bijoux, laissez les bijoux, laissez les bijoux, laissez les bijoux, laissez les bijoux en liberté. Tu les as emprisonnés. Les emprisonnés, les emprisonnés, les emprisonnés. Laisse-les sortir, tu te prends pour un maton. Laisse-les gambader. Laisse-les sortir, tu te prends pour un maton. Tu les as mis. Your bar free, because when you close the door, smell like a bad thing. Oh, let your bad out of your underpants. Oh, you smell. Ooh, yeah, yeah, yeah. Let them free, like you let free. That's always a moment. Get them freedom, get them free. Them free for life. Let them free, get them freedom. Let them alone. Free, no way to go. the sunlight come on your ball. Thank you. Thank you. Thank you.